commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck-Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Jésus vient, nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le thème de ce soir est au cœur des échanges et débats dans les communautés chrétiennes. Il s'agit du rôle et de la responsabilité de la femme au sein de l'Église. Quel est le rôle et la responsabilité de la femme au sein de l'Église? Si dans certaines communautés, ces dernières, les femmes, bien entendu, officient en tant que pasteurs, prophètes, évangélistes et autres, dans d'autres, il leur est interdit formellement et d'accéder à quelconque ministère que ce soit. Lumière sur les ondes, édition de ce vendredi 20 janvier 2017, va s'attarder sur cette question embarrassante, mais rassurez-vous, révélée dans les Saintes Écritures. Rôle et responsabilité de la femme dans l'Église, c'est le talk show de ce soir. Lumière sur les ondes, édition de ce vendredi 20 janvier 2017, à la mise en onde et à la réalisation. Nous avons le frère Raoul Patrick. À ce micro de présentation, je suis Franck-Stéphane Mauvois. Nous allons prendre une musique qui va bien entendu nous planter le décor et nous mettre en condition dans ce studio avant la présentation du panel. Il s'appelle Armand Migan et il chante « Ta parole ». Bonsoir et bienvenue. C'est plutôt Arnaud Migan, voilà, qui chante « Ta parole ». Très bonne écoute à vous. Au commencement était la parole, la parole était Dieu, et elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, en elle était la vie, qui était la lumière des hommes. Cette parole était faite chair, elle habitait parmi nous, oh, pleine de grâce et de vérité. Laissez-moi vous conter l'histoire de cette parole, qui est un Dieu puissant, un Dieu très riche et glorieux. Dans nos péchés, on était tous privés de la gloire de ce Dieu. La sentence était là, on devrait tous mourir. Oh oui, mourir, c'est ce qu'on méritait. On devait tous mourir. Parmi ces seuls qu'on méritait. Mais dans son grand amour, Dieu n'a pas voulu notre mort. C'est pourquoi il a voulu que quelqu'un se sacrifie pour porter nos péchés. C'était la panique au ciel. Chacun se regardait en dindemman. Alors Dieu a regardé les anges ont regardé les vieillards ont regardé en bas et ils ont dit, quel intérêt avons-nous à mourir pour ces gaoula qui ne font que pécher, en tout cas n'en peut pas. Alors c'était gâté pour nous, on était condamné à mourir, c'était ça notre salaire. Hey, oh, oh, hey. C'était ça notre salaire. On était tous condamnés à mourir. Il devrait avoir une fusion de sang pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus-Christ, la parole s'est élevée, avec un regard plein d'amour pour nous, et s'est proposé de porter nos péchés et de faire tomber sur lui le châtiment qui nous était réservé. Oh, quel amour, quel amour, qu'avons-nous fait pour le mériter? Je ne sais même pas, dis-moi, qu'avons-nous fait pour le mériter? Dis-moi, Jésus-Christ a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et malgré toutes les souffrances subies sur la croix, à cause de moi, il accepte de mourir pour mes péchés, pour que je croie en lui et avoir la vie éternelle, pour être heureux sur la terre. Ah oh, merci Jésus. Et non, le Fils de Dieu s'est donné en sacrifice pour moi. Et l'agneau de Dieu s'est livré. Il s'est fait malédiction pour que j'aie la bénédiction. Et non, Noé. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. On y va. Faut venir louer, faut venir louer, faut venir louer l'agneau qui s'est sacrifié. Faut venir louer, faut venir louer, faut venir louer l'agneau qui t'a racheté. Maman Brigitte, on va louer Jésus, on va le louer, car il est digne d'être adoré. Il n'y a personne qui peut l'égaler. On va l'acclamer. On s'accogne, on va sauter pour lui. On va louer. Oh, yeah. Maman Yvette, moi, mais faut venir. Oh, maman Brigitte, mais quand faut venir. Sa famille, Dion, venez louer. Oh, Andy, faut le louer. Si Fatia, tonton Raoul, venez. Janine, Nicolas, Ité, on va Joël, Tonti, Patricia, chanter. Arnaud Migan qui chante ta parole dans ce studio. Mesdames et messieurs, si vous prenez l'écoute à présent, vous êtes connectés sur les 99.6 en modulation de fréquence. C'est Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps du Christ. Et l'émission, c'est Lumière sur les ondes. Nous arrivons chez vous ce soir de 18h30 à 19h30. Votre talk show, votre débat. Cette émission donc qui met au devant des feux de projecteurs, des thèmes d'actualité pour pouvoir essayer d'y apporter de la lumière, parce que c'est Lumière sur les ondes, bien entendu. Et ce soir, nous parlons de rôle, du rôle et de la responsabilité de la femme dans l'Église. Aujourd'hui, les femmes sont, un constat assez personnel, sont les plus nombreuses dans les communautés chrétiennes et religieuses. Et on voudrait savoir quel est donc le rôle des femmes, parce que c'est un peu confondu aujourd'hui. On se demande bien dans certaines communautés, est-ce que la femme peut pouvoir prêcher? Est-ce que la femme peut être consacrée pasteur? Est-ce que la femme peut être prophète et gérer un ministère? Dans certaines communautés, on va vous dire oui. Et dans d'autres, on va vous dire non, et vous n'en verrez même pas la trace d'une femme qui se rapprochera du pupitre. Et pour en parler ce soir, nous attendons trois invités, mais on a un qui est aussi violent par sa présence que violent par sa ponctualité, aussi bien violent dans ses dits. Il me fait d'ailleurs le signe de la main. Eli Bertrand Tchabda, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir. Bonsoir François Stéphane, bonsoir à tous les panélistes, et j'ai pris pour eux s'ils sont en route pour venir sur le plateau. Que le Seigneur nous conduise jusqu'ici. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent dans les maisons et même ceux qui nous écouteront sur d'autres cieux, ce soir dans Lumière sur les ondes. Alors, merci d'être là avec nous. Ce soir, je parlais de violence et vous étiez en train de faire du signe de la main pour marteler votre rigidité. Est-ce que c'est ça? Enfin, le signe de la main dont je parlais, c'est de la droiture et ce qu'on appelle le strictness. Donc, il faut tracer la ligne droite. Lorsqu'il faut tracer la ligne droite, ne pas franchir quand la Bible demande de ne pas franchir. Vous savez effectivement, comme vous me décrivez sur ce plateau, que c'est comme ça qu'il faut faire. Mmh. Alors, merci en tout cas de nous faire l'amitié et l'honneur de votre présence. On espère que les autres panélistes seront là afin qu'on puisse vraiment entrer de fond en comble dans ce thème qui est très très important. Alors, dites-moi, Elie Bertrand Tchadda, que représente la femme pour l'humanité? Alors, lorsqu'on lit dans le plan du Seigneur, sans avoir encore abordé le titre, le thème de l'émission. Non, on n'aborde pas comme ça. La femme, c'est le laboratoire qui donne la vie. Oui. C'est elle qui donne la vie, bien qu'elle nous tue aussi. Mais en premier lieu, elle donne la vie. Donc Dieu, elle a une grande responsabilité dans l'humanité. Parce que la Bible déclare, dans le livre de Genèse chapitre 3, que Ève fut la mère de toute l'humanité. Donc elle est sortie là-bas. Donc c'est un très grand laboratoire dans lequel beaucoup de personnes, enfin nous tous sommes sortis. Donc il faut qu'on admette effectivement que la femme, nous tous ceux qui m'écoutent maintenant, y compris moi, nous avons hébergé dans ces laboratoires et goûté des produits chimiques et toxiques qui se trouvent à l'intérieur du laboratoire et en aspirant tout ce qui entre et sort au travers d'elle. Donc la femme vraiment est un être vraiment magnifique. Un être magnifique qui a été créé d'ailleurs par Dieu. Et vous avez dit quelque chose quand même, vous avez dit que la femme nous donne la vie, mais elle nous tue aussi. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi vous dites que celle-là qui donne la vie en même temps tue, ça peut être confus absolument dans les oreilles des auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez faire la précision? Est-ce que la femme nous tue? Il y en a plein dans la Bible, même les femmes qui m'entendent maintenant, il y a d'autres qui ont avorté en tuant. Pourtant, parallèlement, d'autres cherchent les enfants pour avoir accouché. Vous voyez, donc elle donne la vie et elle en tue également. Et dans la Bible, on voit pêle-mêle. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous tracez dans l'histoire de l'Écriture, vous allez voir effectivement que la femme, quand on va toucher dans le cadre de l'Église, on va voir cela, que la femme est à deux lignées dans les Écritures. Oui. La Bible parle des femmes vertueuses et la femme insensée. Mm-hmm. Vous n'allez pas voir dans la Bible, on va parler de l'homme vertueux, on va parler de la femme. Donc c'est la femme a vraiment un problème. On parle de la femme prostituée. Vous ne voyez pas, on parle de l'homme prostitué. Même s'il se prostitue. Il se prostitue, c'est à cause de la femme, c'est la femme qui est cause. Ah bon? En fait, chaque moustique qui nous pique ici, chaque accident qui se cause, c'est la femme qui est cause. C'est elle qui a incriminé. Donc ce qui veut dire, c'est que la femme, en réalité, c'est un être vraiment, vraiment mystérieux. Mm-hmm. Et elle peut, si elle est bonne, véritablement, comme Dieu demande, si elle est bonne, elle rend la vie vraiment paisible. Mais si elle est nuisible, même la guêpe sauvage ne suffirait pas pour vraiment t'attaquer. Mm-hmm. Alors la Bible déclare dans le livre des Proverbes qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit qu'avec une femme querelleuse, par exemple. Vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 5, parallèlement, il dit qu'elle soit en sans cesse, qu'elle t'enivre sans cesse de son amour. Que c'est le tour de ses seins, le double pharaon là, t'enivre de l'amour. Pourquoi serais-tu appris par l'amour? Est-ce que vous êtes un peu misogyne dans vos propos qui ont tendance à relayer la femme à un second plan? L'une des femmes les plus magnifiques que le monde s'est jamais connue, c'est mon épouse. Si j'étais misogyne, elle me serait quittée. Nous sommes aussi d'accord que cela. Donc ça veut dire que je ne peux pas dire ces choses de la femme. Mais il faut seulement dire la vérité. Oui. Si quand quelque chose est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Ce sont ces choses qui amènent la destruction dans le pays. Parce que quand quelque chose va mal, on ne veut pas dire que ça va mal pour mettre du doigt. En réalité, lorsque quelque chose va mal, il faut dire que ça va mal pour aider ceux qui sont dans cette situation à en sortir. Oui. Parce que si on ne dit pas la vérité aux gens, ils vont continuer à se noyer. Et on va toujours les apprécier dans la noyade. Ok, alors on est dans le thème là, on parle du rôle et de la responsabilité de la femme dans l'Église. Oui. On a parlé de ce qu'elle représente, vous avez parlé de ce laboratoire là qui donne la vie. Mmh. Et est-ce qu'au regard quand même des Saintes Écritures et Bertrand Tchadda, on peut dire aujourd'hui, on peut considérer la femme comme la mère de l'Église? Je parle de mère de l'Église parce que c'est elle qui a donné vie à celui-là qui tient aujourd'hui la bannière de l'Église. Je parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut, par ricochet, considérer la femme comme la mère de l'Église, puisque ayant enfanté celui qui dirige aujourd'hui l'Église? Alors, dans ces cas, dans ces conditions, on poserait la question, s'il venait sur la terre pour sauver l'Église, pour sauver l'humanité, en passant par l'air, dans ce cas, l'air deviendrait la mère donc, de l'Église et devait être considéré comme adorable. En fait, ce n'est que le poison venant du Vatican qui coule comme ça dans les dénominations pour faire des enseignes qu'on commence à élever la femme et présenter, donner une image qu'elle n'a pas. Dieu a la prophétie par rapport à la femme, et la femme représente justement l'Église, parce que l'Église, quand on lit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 22 suivant, on compare la femme justement à l'Église du Seigneur et l'homme l'homme à l'époque est le Seigneur. Donc il y a la respectabilité ou bien la traçabilité entre la femme, le syllogisme entre la femme et l'église du Seigneur, mais pas qu'elle est mère. C'est ça, chez les catholiques, on dit que Marie est mère de l'église. Dieu, il n'y a nulle part un endroit où une femme est mère de l'église. En fait, moi, je n'ai pas parlé de Marie, moi, j'ai parlé enfin, c'est une de femme. Toute femme parce que, étant donné qu'elle donne la vie, oui. Maintenant, si vous voulez faire, on peut faire cette image avec Marie qui a donné. Celui-là qui s'appelle la vie, tout simplement. Bah, en fait, celle qui donne la vie a été conçue par la vie elle-même. Donc, ça veut dire qu'en réalité, là, cette vie n'a pas été enfantée. Okay. Parce que c'est la vie éternelle qui était auprès du Père qui a été manifestée. Mm-hmm. Il lui a plu seulement de faire un tabernacle dans le sein de cette femme-là. C'est un passage, tout simplement. Ok, alors, quel commentaire donc vous faites pour maintenant entrer de plein pied dans le débat? Quel commentaire vous faites des femmes qui dirigent aujourd'hui des ministères? On a des communautés chrétiennes dans lesquelles on a des femmes qui sont pasteurs, on a des femmes qui sont prophètes, on a des femmes qui sont évangélistes, qui rassemblent des foules, qui écrivent des livres, qui ont des chaînes de télévision, par lesquelles des hommes témoignent de la manifestation de Dieu, de la puissance de Dieu, des hommes témoignent être venus à Christ au travers de ces femmes, au travers de leur évangélisation. Oui. Quel regard, quel commentaire vous faites de ce que nous voyons aujourd'hui? Voilà, bonne question. Et avant d'avancer, il faut qu'on trace d'abord les lignes. Oui. Le thème, c'est le rôle et la responsabilité des femmes dans l'Église. Bien sûr. C'est vous qui avez circonscrit cela ainsi. Bien sûr. Parce qu'on avait dit dans le plan de Dieu, on serait allé depuis l'Ancien Testament. Donc vous avez circonscrit ça vous-même dans l'Église. Oui. Et si c'est dans l'Église. J'ai parlé dans la société. Absolument. J'ai pas parlé de. Donc, je parle bien dans le ménage. Absolument. J'ai dit dans l'Église. Ça absolument. Veut dire au sein. Du corps du Christ, corps au sein des communautés. C'est là où ça devient encore davantage alléchant. Parce qu'il va falloir que nos chers auditeurs nous mettent de côté Déborah, ils nous mettent de côté Myriam. D'abord, lorsqu'on va avancer, parce que vous avez circonscrit le thème dans l'église. Pourquoi mettre de côté Parce que vous avez circonscrit dans l'église, ils ne sont pas dans l'église. C'est pour ça qu'il faut que je trace d'abord cette ligne-ci avant d'avancer. Si vous aviez élargi le débat, je pourrais aller depuis la Genèse, avant la chute, pendant la chute, sous la loi et dans la grâce. Mais quand vous avez circonscrit dans la grâce, je resterai et je répondrai uniquement dans la grâce. En tout cas, allez-y, on vous écoute. Je pourrais vous relancer au sujet de Déborah, au sujet de Myriam, au sujet même de bien d'autres femmes qui sont illustrées. Absolument. Allons dans le pied plein là-dedans. C'est en fait pour aider nos jeunes sœurs. J'ai dit comme vous avez peint c'est le tableau que nous constatons aujourd'hui avec la précession humaine. Il faut donc qu'on commence à mettre dans des fondations. C'est quoi l'Église? Qui est l'auteur de l'Église? Quel est le rôle de l'Église? Qui fait quoi dans l'Église? Ou bien quelles sont les normes et les fondations ou la constitution de l'Église? Et autre question qu'on pourrait sortir maintenant là-dedans, c'est est-ce que ces constitutions sont variables en fonction du temps? Pour cette dernière-là, on doit répondre manifestement non, puisque la parole de Dieu est inchangeable, parce que Dieu ne change pas. Dieu a transmis cette constitution par rapport au règlement de la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ va dire dans ce Matthieu chapitre 28, là, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mm-hmm. Et la Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, verset 16, que toute écriture est expirée, théonosis. C'est un souffle venant de l'intérieur de Dieu, utile pour corriger. Donc si cette écriture-là, si c'est destiné pour corriger, ça suppose qu'on pourrait vivre. On dit là-bas qu'afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. Mm-hmm. Donc ça veut dire que les hommes de Dieu peuvent être dans les erreurs et que l'écriture est censée les corriger. Donc c'est l'occasion de faire maintenant, comme vous avez dit qu'il y a des femmes pasteurs, et je crois que j'ai dû prendre un flyer ici à Radio Bonne Nouvelle, où il y a des couples pasteurs, vous voyez, pasteur, Mr. Mrs. Évangéliste, Mr. Mrs. Les pasteurs au plus avec la femme. Alors maintenant, c'est devenu une norme maintenant dans la société ou bien dans le corps de Christ, dans ce qu'on appelle corps de Christ, dans l'organisation religieuse aujourd'hui, au point où, comme vous avez dit, ça fait débat où l'un prend telle ou telle position et l'autre adopte telle position. C'est à penser comme, c'est à se poser la question s'il y a deux Bibles. Et si nous admettons donc qu'il y a une Bible et qu'il y a une norme de la Bible, il faut qu'on pose la question à celui qui a initié l'Église. Frère, arrivé, quel est le regard de manière personnelle, on comprend que vous vouliez développer, mais quel est votre commentaire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des femmes pasteurs, des femmes prophètes, des femmes qui ont des communautés aujourd'hui, qui ont des... J'arrive. J'arrive, c'est dit ça brutalement. Vous allez dire je suis violent, c'est pour ça que j'essaie d'adoucir dès l'entame de cette émission. Vous nous avez fait savoir que vous êtes assez droit et rigide, donc n'ayez pas peur de frustrer qui que ce soit dans ce studio. Même si la frustration, on voit tout droit dans l'œil pour restaurer, je ne m'en repentirai pas. Maintenant, quand vous demandez mon avis, je n'en donnais pas mon avis, je citerai dans les paroles de mon grand frère. Oui. D'abord, première chose, mon grand frère dit que l'évangile qui lui l'a prêché n'est pas d'un homme, il n'a ni appris d'un homme, n'est appris par une communauté, oui. n'est pas dans une santé biblique. Oui. Ils disent, mais c'est par révélation du Seigneur Jésus-Christ. Justement. Et il dit que je vous écris ces choses, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mmh. Et après, il dit que parce qu'il y a un autre évangile. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, mmh. autre que ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Et il réitère encore verset 9 de Galates chapitre 1. Donc ça suppose donc qu'il n'y a qu'un seul évangile. Si nous sommes en train de parler de l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est eux les modèles. Et parce que Jésus-Christ les a choisis, lorsqu'il lui est apparu, il dit je t'ai apparu pour te présenter des choses que tu as vues et c'est pour celles que je t'apparaîtrai plus tard. Mm-hmm. Et donc quand il vient parler, il dit c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a apparu, il donne les doctrines de l'église. Parce que ces normes-là, aucune personne n'avait ça sur la terre. Il dit que ce sont les mystères cachés en Dieu, révélés maintenant à ses serviteurs, les prophètes. Mm-hmm. Donc ça dit que s'il a dit ça maintenant, ses saints apôtres, il l'a établi maintenant, ça fait autorité et c'est définitif. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16, il dit si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Donc il n'y a pas de contestation et de débat dans l'église du Seigneur. Oui. Et maintenant, ça veut en dire quoi concrètement? Ça suppose que s'il y a enseignement qu'il faut faire, il y a une modification aujourd'hui, un sujet de débat, c'est eux la référence. Alors allons donc, première référence. 1 Corinthiens 14, que les femmes n'aiment pas. Je crois que beaucoup de ces femmes dont vous avez cité ont dû déchirer 1 Corinthiens 14 dans la Bible. Ou bien 1 Timothée chapitre 2. Mais malheureusement, nous allons citer parce qu'on ne peut pas faire test là. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, il dit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Donc si ces églises que vous citez là, vous avez cité ici les femmes avec les communautés, là sont les églises des saints. Oui. Voici l'ordre du Seigneur. Que les femmes écoutent l'instruction et que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis. C'est pas moi qui dis, c'est mon grand frère. Mmh. Il ne leur est pas permis d'y parler, mmh. mais qu'elles demeurent dans le silence, comme le dit aussi la loi. Oui. Alors, permettez-moi de vous relancer oui. Par rapport à Paul qui le dit d'ailleurs. Est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas un problème de contexte? Bonne question. Je parle de contexte pourquoi? Parce qu'on sait quand même que dans le contexte juif, oui. la femme était relayée au second plan. Ça c'est sûr. Par la société. C'est pas la société. Par la société. Ah non, on va y arriver. Je veux dire qu'il y avait des lois qui étaient établies et qui mettaient les femmes au second plan. Mmh. Les femmes ne pouvaient, par exemple, pas prendre la parole quand oui. les hommes étaient là. Oui. Les femmes ne pouvaient pas peut-être manger en présence des hommes. Oui. Il y avait tellement de règles qui étaient établies par cette société. Et qui écartaient les femmes. Et qui écartaient les femmes. Est-ce que ce n'est pas dans ce contexte, étant ressortissant oui. de cette région, oui. de cette communauté, oui. je vais dire... Il a été influencé par la culture. Est-ce que Paul n'est pas en train de rappeler en réalité à ces femmes-là ce que dit la loi établie dans ce contexte? Je recommence encore ce qu'il a cité de départ. Il a dit que si, dans ce livre de Galates chapitre 1, il continue en disant que si j'annonçais l'évangile pour plaire encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Oui. Il a dit que s'il annonçait pour plaire aux gens, oui. donc il ne vient pas pour cajoler quelqu'un, il vient donner les oracles de Dieu. Avant que vous ne continuiez, c'est le même Paul qui disait que par rapport à certains commentaires, il précisait bien que ici, ce n'est pas par révélation, mais c'est ce que je pense que je suis en train de dire. Et par la suite, il dit que je crois avoir l'esprit. Et Dieu merci, vous avez bien dit qu'il spécifie exactement quand il le dit. Mais quand il parle en tant qu'autorité spirituelle, il ouais. le dit clairement, il déclare. Okay. Donc là-bas, ça ne fait pas de doute parce que il s'agit de l'église du Seigneur Jésus. Mm-hmm. Maintenant, après, il dit que de pour l'autre là dont vous parlez, il dit que je donne juste un avis là-dessus. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Okay. Alors ici, donc ça fait autorité. Donc ça veut dire quand il ne dit pas que c'est pas le Seigneur, c'est moi, ça veut dire c'est le Seigneur. Mm-hmm. En fait, dans le verset qu'il donne, cité dans 1 Corinthiens 14, verset 37, il va dire si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je viens d'écrire est un commandement du Seigneur. Mm-hmm. Et s'il ignore, qu'il ignore. Et dans la verset Thomson, la Bible, la verset Thomson, ça dit s'il ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Donc Dieu ne le connaît pas, ces prophètes-là. Oui. Donc tout prophète aujourd'hui, quelle qu'en soit son notion, quelle qu'en soit ce qu'il peut faire, disparaître de la maison, faire apparaître les maladies et guérir toutes choses, s'il fait que sa femme enseigne, la Bible déclare que Dieu l'ignore. Ça c'est clair, c'est choquant, mais c'est vérité. Maintenant, il touche l'aspect culturel dont vous en avez parlé, comme si c'était l'aspect culturel que la coutume des Juifs, que Dieu, l'apôtre Paul en train d'amener. Il faut d'abord rappeler que l'apôtre Paul n'écrit pas aux Juifs pour commencer, il écrit aux Grecs. Parce que l'église de Corinthe, ça n'a rien à voir avec les Juifs. Il faut se rappeler dans ces Galates chapitre 1, il a été envoyé aux païens. Donc il écrit comme ça aux païens, au peuple qui n'avait pas la loi de Dieu et qui vivait tranquillement avec leur société, leur style de coutume. Il ne vient pas épouser et leur imposer une coutume juive, mais il donne les déclarations du Seigneur. Il a bien dit, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de moi, n'est pas d'un homme. Mais ce n'est pas révélation. Mm-hmm. Donc, alors maintenant, ils disent cela aux Corinthiens. Mais maintenant, le contexte, comment les gens essaient de philosopher pour essayer de chercher les échappatoires, mais Dieu a fermé toutes les portes d'issue dans ce labyrinthe là où il faut mm-hmm. glisser. Parce que la parole du Seigneur reste debout. Maintenant, dans le chapitre 1 de ce livre-là, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ et le frère Stosten, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont à Corinthe, il dit donc, dans la lettre adressée à ceux qui sont à Corinthe, à ceux qui sont appelés à être saints, il dit que, et puis il dit que, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, mm-hmm. invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Donc si quelqu'un invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, cette lettre le concerne. Ça c'est clair. Donc ça dit que ce n'est pas un problème d'ordre culturel. Et dans ce 1 Corinthiens chapitre 14 dont nous avons parlé, il dit comme dans toutes les églises des saints. C'est ce qu'il a dit. C'est une église des saints où on invoque le Seigneur Jésus-Christ. Il dit voici la norme. Oui. Parce qu'en réalité, c'est l'éthique. On ne peut pas avoir une constitution, par exemple, au Cameroun, que le Cameroun est un pays unitaire et quelqu'un se va quelque part en disant qu'il y a deux Cameroun. Parce qu'il y a une norme qui a été mise en place. Si quelqu'un vient pour ébranler cela, on va taxer celui-ci des sécessionnistes. Oui. Donc en fait, tous ceux qui entrent dans l'église aujourd'hui en voulant établir leurs femmes, en posant devant le poste de responsabilité aux femmes, dont la Bible, les canons bibliques et les premiers apôtres n'ont pas donné, ce sont des sécessionnistes. Oui. Ce sont donc des anarchistes. Et en fait, c'est eux donc qui devaient être considérés comme les anarchistes. Ce n'est pas les gens qui tiennent le modèle des apôtres pour cela. Mm-hmm. Donc en réalité, si on veut suivre la norme biblique, il ne s'agit pas de la culture. Il ne s'agit pas de la culture parce que la Bible ne prêche pas la culture. La Bible ne présente pas une culture. En fait, on n'a pas épousé une culture. C'est la norme biblique. Ce sont les choses. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2 que ce sont les choses que Dieu avait cachées en lui-même. Il n'a pas été révélé au prophète d'antan, mais c'est maintenant révélé. Donc ces instructions sont des révélations dans la pensée de Dieu. En fait, la Bible appelle cela la sainte doctrine. La sainte doctrine. Et la Bible nous va plus loin dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 3, que si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et sans s'attacher aux saintes paroles de notre Seigneur, on dit qu'il est orgueilleux. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a la parole du Seigneur Jésus-Christ qu'il a donnée pour qu'on enseigne. Donc, en clair, ce n'est pas la culture juive que l'apôtre Paul enseigne. Parce que ce qu'il va dire aux Corinthiens, il va dire la même chose aux Éphésiens. Pourtant, ça n'a rien à voir avec les Juifs. Ok, on rappelle aux auditeurs que nous parlons du rôle et de la responsabilité de la femme. Dans l'église, on attend toujours nos panélistes. C'est Liberté Ndjabda qui est le seul à développer ici ce soir. On aimerait bien avoir des avis différents. On espère que les auditeurs pourront participer au 243-07-56-32, 243-07-56-32 par appel ou alors au 699-49-37-90, 699-49-37-90, 699-49-37-90 et le 243-07-56-32. Le thème de ce soir, rôle et responsabilité de la femme dans l'église. Alors, Elie Bertrand Chabda, oui, on vous a très bien compris. Est-ce que donc, puisque vous parlez de ministère et vous nous faites savoir que les femmes ne peuvent pas diriger les ministères, est-ce qu'elles peuvent au moins se prétendre au même don spirituel que les hommes? Bon, là, il faut aller doucement, vraiment, pour que les gens puissent saisir. Oui. Avant d'avancer, il faut d'abord admettre, comme je le dis sur ce plateau, que les hérésies viennent de la Bible. Parce que pour que quelqu'un vienne enseigner quelque chose de la Bible, il faut qu'il ait glissé au moins dans la Bible pour une fois. Mm-hmm. Lorsqu'on lit Actes des Apôtres, on voit qu'au jour de la Pentecôte, le Seigneur leur avait dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et tout, et ainsi de suite. Mm-hmm. Nous allons voir dans Actes chapitre 2, justement, le Saint-Esprit viendra sur les apôtres. La Bible déclare sur les disciples qui étaient réunis, ils étaient environ 120 personnes. Mm-hmm. On cite parmi eux qui avaient des femmes, y compris Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mm-hmm. Alors, quand le Saint-Esprit vient sur eux, parce qu'ils sont de prendre ces versets ici dans celui des deux, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 14 à 16, parce que les gens, quand on veut essayer de tordre les écritures, on va faire dire à l'écriture ce que l'écriture ne dit pas. Dans ce livre là il dit voici ce que dit le Seigneur: au dernier jour, je verserai mon esprit sur toute chair. Mm-hmm. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, prophétie de Joël, c'est la prophétie de Joël 2 qui s'accomplit là dans l'Ancien Testament. Absolument, déjà, oui. Voilà, donc ça s'accomplit sur l'église. Mm-hmm. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que cette prophétie là étant accomplie, l'apôtre Pierre dit effectivement que c'est ici que s'accomplit ce que le prophète Joël disait. Il dit: au dernier jour, je verserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions, vos vieux auront des songes. Mmh. Mais aujourd'hui, les pasteurs prennent ce verset pour dire que voici ça, quand l'esprit vient sur une femme, elle peut faire n'importe quoi. Pourtant, ce même esprit est venu là, voilà l'authentique, voilà le premier. Oui. Et vous allez voir que dans Actes chapitre 1 et chapitre 2, les femmes qu'on a citées là-bas, on n'a plus fait mention d'eux pour tout ce que reçoit le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'elles n'avaient pas parlé en langue, ces femmes? C'est pour ça qu'on a dit. Pas... Justement, on dit clairement, on donne le renseignement là-bas que tous parlaient en langue. Donc, oui. c'est là, je voulais arriver quelque part parce que ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit. Est-ce que Marie, de manière claire, est-ce que Marie, mère de Jésus, qui était présente avec le don du Saint-Esprit? Non, je veux savoir, est-ce qu'elle avait parlé en langue? Absolument. Elle avait parlé en langue autant que les hommes? Absolument. Ça veut donc, pour répondre à ma question, les femmes peuvent prétendre au don spirituel, au même don que les hommes. Absolument. Selon que les dons spirituels. Don spirituel, parce que quand on dit même don, c'est d'autres choses. Je parle de don spirituel. Oui. Ça veut dire que les dons qui sont. Qui sont dispatchés par le Saint-Esprit. Absolument. Donc, selon. Selon son souhait, selon qu'il dispose. Absolument. Alors, effectivement, et c'est là où je vais poser une autre question. Mmh. Comment une femme qui est remplie du Saint-Esprit ne peut donc pas annoncer la bonne nouvelle? Voilà. C'est quoi annoncer la bonne nouvelle? C'est pour ça, c'est là qu'il faut comprendre une chose. Dieu a l'appel. Il a des gens décidés pour faire quelque chose. Mm-hmm. Lorsque nous suivons donc cette trace, parce que le modèle, c'est ici. On ne doit pas prendre notre pensée. Parce que très souvent, on dit, par exemple, de la grande commission. Lorsque vous regardez la grande commission, vous allez voir effectivement, quand le Seigneur Jésus leur a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, que allez, il a dit que attendez d'abord. Ça ne finit pas là, parce qu'il dit allez, puis il dit attendez jusqu'à ce que vous soyez rempli du Saint-Esprit, jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance dans, dans haut, avant de aller. C'est le dernier. En fait, vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que quand il dit allez là-bas dans Matthieu chapitre 28, dans Luc chapitre 24, il dit attendez d'abord. Ça ne se termine pas là-bas. Là quand même, on a un problème de concordance, parce qu'il y a Matthieu qui parle et qui met le point final, c'est-à-dire il achève. Le point final, ça veut dire que c'est la portion que Dieu lui a donnée. Et Luc qui ajoute attendez d'abord, en tout cas, allez-y. Absolument, oui. C'est ça, l'écriture, c'est cela. L'écriture, c'est une portion, là pour voir la chose complète. Nous voyons effectivement. Vous allez permettre tout à l'heure quand même qu'on parle de Déborah et. Oui, c'est vrai que vous permettez. Parce que vous avez dit que l'écriture se complète. Absolument. Donc, on va voir antinomie entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On va voir effectivement, en prenant ces cas-là, justement, pourquoi Jésus, justement, dans le Nouveau Testament, n'accepte pas cela. Donc, j'entends de dire donc que lorsque le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 28 qu'allez, il dit plus tard que attendez jusqu'à. Donc, les gens ne croient pas tout simplement et commencent à sortir parce que c'est le Saint-Esprit qui donne les rôles, incorpore chacun et le dispatche le camp. Ce n'est pas parce que vous êtes en train d'une organisation qu'on va décider que vous allez pour aller prêcher. C'est faux d'après la Bible. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est le Saint-Esprit qui dispatche les rôles. Ce n'est pas un être humain qui donne les rôles aux gens dans l'église parce que c'est le Saint-Esprit qui incorpore les gens dans le corps et dispatche le rôle à chacun comme il le veut. Mm-hmm. Et comme dans le Saint-Esprit descendu sur la première église, nous voyons effectivement comment les femmes ont parlé en langue, comme vous avez dit, parler dans le don spirituel. Et vous posez la question, comment une femme qui parle en langue ne peut-il pas aller annoncer la parole de Dieu? Ouais. Parler en langue, c'est une chose. Je n'ai pas dit, parce que parler en langue, ce n'est que. Un aspect. Oui. Je veux dire, une manifestation du Saint-Esprit. Absolument. Maintenant, il peut y avoir d'autres choses. Donc, je disais, comment une femme qui est remplie du Saint-Esprit ne peut pas enseigner la parole de Dieu? Encore, et parce que vous êtes contre le fait qu'une femme enseigne la parole de Dieu. Non, je ne suis pas contre. Je suis derrière les Écritures. L'Écriture est contre cela. Bon, je parle de vous aujourd'hui. Non, mais non, c'est vous qui. Admettons que l'Écriture dise que. Je veux te dire un truc. Vous prenez référence aux Saintes Écritures. Amen. Et vous prenez référence aux Saintes Écritures. Amen. Ça veut dire que sur la base de ce que vous prenez comme référence, vous êtes contre. Non, je suis avec l'Écriture. Et l'Écriture leur dit que ça ne passe là. Ok. Comment donc cette femme qui a reçu le Saint-Esprit, qui est pleine du Saint-Esprit, ne peut-elle pas. Enseigner. Ne peut-elle pas diriger un ministère? Elle peut le faire. Oui. Absolument. Mais elle ne doit pas le faire. Voilà, vous avez bien compris. Ok, on a compris. Ça nous permet d'introduire le pasteur Sakher qu'on attend quand même depuis 30 minutes. Bonsoir, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bonsoir. Bonsoir, c'est un privilège d'être là. Oui. Juste quelques petits empêchements. Oui. Je demande pardon. Je crois que je suis là. Nous bénissons quand même le Seigneur que vous soyez là dans cette émission. Je crois que pour les 30 autres minutes qui nous restent, on va essayer de poursuivre le thème. On parle de ce soir du rôle et de la responsabilité de la femme dans l'Église. Les auditeurs peuvent également participer en appelant au 243-07-56-32, 243-07-56-32 ou au 699-49-37-90, 699-49-37-90. Pasteur Sakher, l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda, sur la base de quelques versets bibliques qu'il a d'ailleurs présentés ici en votre absence, nous fait savoir que la femme n'a pas le droit d'enseigner, elle n'a pas le droit de prêcher en assemblée, elle n'a pas le droit à être pasteur, à être prophète dans une assemblée. Il est assez radical. Quel est votre commentaire? Encore qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont pasteurs, il y a des femmes qui sont évangélistes, il y a des femmes qui dirigent des ministères, et il y a certains hommes même qui rendent témoignage de l'action de ces différentes femmes. Voici le point de vue de la Bible. Dans le livre de Galates, chapitre 3, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29, la Bible déclare que vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Oui. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Je crois que comme l'homme en Christ, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme avec petit H. Avec grand H ou petit H. Je dis comme l'homme. En Christ, le frère peut recevoir Jésus et un ministère venant de la part du Seigneur. et il a reçu un appel. Et le Seigneur l'a appelé, l'a établi dans un domaine bien particulier. Je crois aussi que la sœur en Christ aussi est promesse de l'hériter et de l'héritage. Elle aussi est l'héritière, par conséquent, elle a un ministère. Donc elle aussi, elle a un ministère. Elle aussi, elle est héritière de la promesse de Dieu. Par conséquent, elle aussi, elle a appelé à avoir un ministère, une vision, et donc elle a appelé aussi à enseigner. Donc mon point de vue, je suis pas avec d'accord avec lui, parce que je crois que la femme aussi appelée de Dieu, elle a un ministère. Effectivement. Alors ça devient intéressant quand même. Absolument. Parce que tout à l'heure on avait seulement une seule pensée et le frère également sur la base de ce verset biblique que nous d'une écriture tant que absolument. Tant que vous, je vais dire quand même qu'aujourd'hui, quand même, vous référez, vous référez au sein de Jésus. Et c'est ce qui fait peut-être aussi la particularité de Lumière sur les ondes, c'est que personne n'a convoqué jusqu'ici une pensée personnelle. Absolument. C'est sur la base des Saintes Écritures. Voilà. Je vous permets de dire bonsoir. Voilà, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Et là, mes dépêts recrutent mes manches. Parce que la bagarre est dans ce studio. Il est tous mes manches pour bien déposer ma main sur la table. En fait, ce que je vais dire maintenant, c'est qu'au sol, à la lecture, parce que c'est vrai que c'est juste il a beaucoup de notes et je crois qu'il va présenter son point de vue et il a dit son point de vue d'après l'écriture. Bien sûr. Vous voyez, la personne qu'il a citée, c'est l'apôtre Paul. Bien sûr. C'est l'apôtre Paul qui écrit Galates au chapitre 3. Il est enseignant de la parole, il enseigne les chrétiens à enseigner. Et maintenant il prend Galates, il sait exactement que ce n'est pas une écriture parce que c'est pas une écriture pastorale de la Bible. On ne traite pas du cadre pastoral de l'église ici. Quand il faut convoquer la norme pastorale, c'est 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, un Corinthien, c'est ça, ils connaissent là et ils enseignent cela. Mais est-ce que nous parlons? Non, j'arrive quelque part. Ouais. Si il me trompe, il est ici sur le plateau. Ouais. Ce que veut dire, c'est que qu'est-ce qu'on a dit dans Galates? Il dit que, qu'on a dit, et comme on a dit dans ce verset 28, qu'il n'y a ni homme ni juif. Je lui pose la question, est-il femme ou homme? Parce qu'on a dit que là-bas qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Je veux qu'il réponde aux auditeurs s'il y a un homme ou bien une femme. Ouais. Avant que j'avance. Ouais. Est-ce que vous avez un homme, frère? Lorsqu'il s'agit, je suis un homme. Voilà, maintenant, est-ce qu'il y a aujourd'hui encore les hommes et les femmes? Il y a les hommes et il y a les femmes. Alors, je vous explique donc. La Bible déclare, parlant de ce livre-là, dans ce livre de Galates, on a déjà parlé de notre héritage, effectivement, du fait que l'homme et la femme, le juif et le non-juif, l'héritier, quoi, l'esclave et le libre, ont accès à Jésus-Christ dans la promesse de la même façon. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement. Lorsqu'on y entre maintenant, pour trouver la place qu'on a, ce qu'on a à faire, c'est l'autorité maintenant au niveau des apôtres, des actes apostoliques, pastorales, de dire voici le rôle. Donc ici, on parle de l'accès au salut, pas du cadre du ministère. Je m'arrête d'abord. Non, tu ne peux pas, dire concernant Timothée que ce n'est que 1 Timothée, 2 Timothée qui est le cadre pastoral. La Bible. Oui. La Bible est faite pour mettre en pratique. Donc, il n'y a aucun cadre bien précis pour dire que donc, si c'est le côté pastoral. Dis plutôt que dans 1 Timothée, on peut facilement voir certaines qualités plus qui s'occupent, qui font plus référence aux dirigeants. En fait, je crois que j'arrive. Mais la parole de Dieu, oui, elle a pour mettre en pratique. Absolument. Donc, ce n'est pas seulement 1 Timothée, même Éphésiens, oui, l'apôtre Paul parle de tous les ministères, que, oui, comment nous avons, il a donné les comme apôtre prophète, pour le perfectionnement des saints en, amen, vue de l'œuvre du ministère. Amen. Donc, même les faisons, nous voyons que, oui, tous les saints, tous les chrétiens, oui, ont reçu un ministère de la part du Seigneur. Oui. Mm-hmm. Ici, l'apôtre Paul, il est important de mettre certains textes dans le contexte. Mm-hmm. Je crois que dans le livre de Galates, nous connaissons clairement que, à partir du chapitre 2, chapitre 3, il met la référence sur l'importance de l'héritage, le fait d'être conduit par l'esprit. Il met plus en face par rapport à notre identité spirituelle. Oui. Donc lorsqu'il dit nous sommes un en Christ, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni libre ni esclave, ni homme ni femme. Il fait plus la référence par rapport à notre identité spirituelle en Christ. Dans ce cas, qu'est-ce que ça a à voir avec l'enseignement de la femme? Je crois qu'ici il a parlé dans le domaine du ministère. Oui. Je suis encore en train de parler dans le domaine du ministère. Je crois que pour le domaine de l'enseignement de la femme. Donc j'aimerais que nous voyons l'aspect de l'identité en Christ. Oui. Donc il n'y a pas, le Saint-Esprit n'est pas féminin, il n'est pas masculin. Absolument. Donc, il ne transforme pas un homme ou une femme en homme. Donc nous sommes, ce n'est pas un esprit féminin. Absolument. Qui habite dans la vie de la sœur, oui, et un esprit masculin qui habite dans la vie de l'homme. Oui. C'est le même esprit. Oui. Donc Paul, avec ses visions, oui, montre que c'est l'aspect spirituel de la chose. Oui. Nous sommes un dans l'esprit. Amen. Donc le même esprit qui habite dans la vie de la femme, oui, c'est le même Saint-Esprit qui habite dans la vie de l'homme. Oui. C'est là où je vais me tenir pour maintenant aller dans le domaine de est-ce que la femme peut me rendre ministère, okay, est-ce que la femme peut prêcher, oui, est-ce que la femme peut enseigner. Oui. Allez-y, je connais la majorité des passages sur lesquels les gens se tiennent pour pouvoir le faire. Oui. Et ceux qui nous écoutent, je crois qu'on peut aller là-bas rapidement parce que je veux juste toucher un passage dont on sort le texte hors du contexte pour vouloir dire que la femme ne doit pas enseigner. Oui. C'est 1 Corinthiens chapitre 14. Oui. 1 Corinthiens chapitre 14. Je l'ai déjà cité d'abord, mais quand vous n'étiez pas là, donc bien sûr, vous pouvez dire effectivement. Dans les nous allons suivre. Oui. Verset 34 à 35. Oui. Je crois qu'il y a juste deux mots là-bas. Oui. Qui vont éclaircir les personnes. Amen. 1 Corinthiens 14. 34 à 35. Verset 34 à 35. Oui. Oui. Je peux lire? Oui, vas-y. Alors, 1 Corinthiens 14, verset 34 à 35, la Bible déclare, je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit, « Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. » Voilà. Car, tu peux m'arrêter là. Oui, oui, voilà. Il dit, si elle veut s'instruire quelque chose, qu'elle interroge. J'aimerais que nous puissions voir ici. Et dit que les femmes se taisent dans l'assemblée car il ne leur est pas permis d'y parler. Dans le mot grec, il y a deux mots qu'ils utilisent au sujet du mot parler. Il y a le premier mot, il y a le mot laleo. Oui. Et ensuite, il y a le mot lego. Oui. Maintenant, laleo veut dire prendre une haraguer, c'est-à-dire en un mot, manquer le respect à la personne. Frère, permettez. Sinon, il va avancer. Il va réagir. Je vais le prendre là directement parce que le même mot, l'aléo, est utilisé dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. C'est le même mot là-bas. Donc, vous voulez dire que Dieu a usurpé les prophètes. Donc, faites attention là. Avancez. Non, ce n'est pas du contexte. Dans ce contexte-ci, l'aléo. Vous avez dit que le contexte l'aléo pour dire que non, il y a deux mots. Il y a le mot laléo. Oui, dans ce côté, ça veut dire haraguer dans le contexte-ci. Non, attends, c'est vous qui dites le contexte. Vous dites non. Définition. Nous ne sommes pas dans l'hébreu. Nous sommes pas dans l'hébreu. Dans le contexte, il a bien dit instruit dans le silence. Il fallait mettre la face dans la soumission. Oui. C'est le fait de prendre autorité. C'est-à-dire que nous sommes dans l'assemblée, puisque à cette époque, n'oubliez pas, nous sommes à Corinthe. Oui. Donc, il y a beaucoup de païens qui ont cru, mais il y avait aussi des juifs qui ont cru. Oui. Et la culture juive, d'une manière claire, nous savons depuis l'Ancien Testament que la femme n'avait pas la première place. Oui. La femme ne pouvait pas prendre autorité. Oui. Donc, pendant ce temps, parmi l'église de Corinthe, il y avait des personnes, des païens qui avaient cru, mais qui ne connaissaient absolument rien du moyen culture, dans le domaine de la culture juive, à ce qui concerne le respect de l'autorité. Oui. Donc, ils pouvaient prendre la parole comme une façon d'arraguer, il s'agit de prendre comme autorité, élever sa voix chez son mari. Oui. Et j'aimerais que nous puissions comprendre, le mot femme ici, c'est gourmet. Oui. Ça ne s'agit pas de toutes les femmes, c'est épouse. Oui. Donc, il classifie clairement dans quel contexte il est en train de parler. Oui. Ici, c'est le contexte de l'homme et de son épouse. Oui. Donc il ne s'agit pas de, par exemple, quand il commence à dire que l'homme est le chef de sa femme, il ne s'agit pas de tous les hommes, tout l'homme n'est pas le chef de toutes les femmes. Oui. L'homme est le chef, parlant de l'homme mari ici, de sa femme, gourmet, épouse. Oui. Donc c'est de ça qu'il veut mettre l'instruction ici. Oui. Mais alors que l'autre aspect de l'ego, veut dire tu peux parler, suggérer, apporter une idée et expliquer, c'est toléré. Oui. Alors quand nous voyons Paul ici, il dit qu'il n'accepte pas que la femme ne permet pas à la femme de prendre autorité, puis l'un va même expliquer ça, de prendre autorité, de parler comme si elle veut dominer, mais qu'elle reçoive instruction, c'est les choses, qu'elle reçoive instruction dans le silence auprès de son mari. Alors, les auditeurs peuvent participer à l'émission 243 07 56 32, 243 07 56 32, ou au 699 49 37 90, 699 49 37 90, nous parlons du rôle et de la responsabilité de la femme dans l'église, et liberté. Je peux vous parler, ça devient intéressant, parce que je les rencontre en face maintenant. Oui. La Bible déclare là-bas. J'ai rencontré. Si je parlais seul de façon monotone ici sur le plateau, on ne va pas cesser. Mais quand ça jaillit comme ça, on peut encore bien développer. Bien sûr. Allez, alors maintenant, la Bible déclare que comme dans toutes les églises des saints, vous parlez que c'est parce que c'est à Corinthe que ça se passe comme ça là. L'apôtre vient de signifier que dans toutes les églises des saints, c'est la même norme. Ça c'est un. De deux, il dit qu'il ne permet pas d'enseigner. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, on va voir le verset biblique. Il y a un auditeur qui nous appelle. On va essayer de le prendre. Allô, bonsoir. Allô. Oui, vous voulez participer, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Ouais, je suis en train de parler depuis longtemps et puis j'aimerais donner un petit compliment à ce que vous posez. Comment vous appelez? Oui, moi c'est M. Kenneth. Monsieur Kenneth, allez, baissez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô? Baissez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ah, je crois qu'il n'y a pas de retour. Alors, vous avez posé une question. Et vous avez demandé le verset biblique. Il a parlé, c'est Didasco. J'ai réité encore ce qu'il a dit. J'ai dit, la Bible dit de façon stricte. Non, tu vas plutôt poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne permets pas à la fin d'enseigner. Non, il voulait dire qu'il n'a pas utilisé le mot parler là-bas. Il a dit clairement dans 1 Timothée 2, cette fois-ci, vous avez ça devant vous. Oui, j'ai ça. Dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous avez parlé, je crois, dans la deuxième partie, il est venu sur l'aspect homme-femme et mari, comme vous avez dit. Vous avez posé une question. Oui, oui. Évangéliste, vous avez posé une question. Voilà. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oui. C'est le mot didascalion. Oui. Qui veut dire, je ne permets pas à la femme d'établir une doctrine. Oui. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, l'établissement de la doctrine était réservé, c'était le rôle des apôtres. Oui. Acte 2, verset 42. Oui. Il demeurait, il persévérait quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Oui. Donc attendez, ça veut dire, d'après ce que vous allez lui dire, quand les apôtres établissaient des doctrines, il n'y a aucune femme parmi eux. Comment quoi parmi eux? Vous avez dit que l'établissement des doctrines, c'est pour les apôtres, c'est les apôtres qui le font. Pascal, donc, acte 2, verset 42. Oui, donc ça veut dire que lorsque les apôtres établissaient les doctrines que nous avons là, aucune femme n'a participé à ça, oui ou non? Puisque tous les apôtres, pas seulement les femmes, que ce soit les apôtres, que ce soit Paul, ils n'appelaient pas une autre doctrine. Non, non, tu veux très bien mettre la question. Tu veux entrer dans la doctrine des apôtres. Je veux qu'on se comprenne. Je veux que nous illuminons vraiment la pensée des uns et des autres. Oui. Vous avez dit que ici, enseignement, si veut dire didasque, donc dans ce sens-là, ça veut dire. Didascalio. Oui, c'est didascalio. Didascalio, ça veut dire. Vous dites que c'est le sens, parce que je vais revenir sur le grec. Oui. Il veut dire ici, d'après vous, que c'est pour, dans le sens d'établir une doctrine. Exact. Ok, maintenant. Donc, ça veut dire que. Et vous dites que parce que les doctrines étaient établies par les apôtres. Oui. Et là, vous admettez par là que les apôtres qui établissaient des doctrines étaient des hommes. C'est là que vous voulez dire, là, n'est-ce pas? Parce que si les femmes ne doivent pas établir des doctrines, et que ce sont les apôtres qui établissent des doctrines, la femme ne doit pas être apôtre, parce qu'elles doivent établir, les apôtres établir des doctrines. Je veux qu'on avance sur ce terrain-là maintenant. Ce sont les hommes qui établissaient les doctrines. Donc, ça veut dire que les femmes ne peuvent pas donc être apôtres. Sinon, dans ce cas, les choses, on devait même dire, je crois que peut-être vous avez touché. Attendons. Oui. Je crois que peut-être vous avez touché ça sur pourquoi est-ce que Jésus n'a pas eu parmi ses disciples. C'est bon, on va arriver. Je veux que vous nous répondez pour que les chrétiens puissent suivre. Je suis dans votre logique. Vous avez dit que dans ce 1 Timothée 2, 9 et suivant, on dit enseigner ici, c'est établir la doctrine. Et l'apôtre Paul est en train de dire que c'est soustrait à la femme. Et vous avez dit que parce que c'est aux apôtres, parce qu'ils ont, dans la première chapitre 2, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Donc vous signifiez là, vous voulez par là dire que c'est seulement les hommes qui doivent être apôtres. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas ça. C'est pas ça que je dans ce cas-là, comment non, apôtre, non, c'est pas ça. Vous voyez, reprécisez, pour qu'on puisse comprendre. Oui. Reprécisez-nous votre pensée. Non. Il a défini didascalio là-bas comme étant l'établissement d'une doctrine. Oui. Donc il dit que l'apôtre peut aller de dire à une femme qu'un homme ne doit pas établir une autre doctrine. Mm-hmm. Et par conséquent, les doctrines, puisqu'il a dit également que les gens persévèrent dans la doctrine des apôtres, ça veut dire clairement que les femmes n'étaient pas apôtres pour établir une doctrine. C'est aussi logique que possible. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, parmi les 12 disciples, parmi les 12 apôtres, on a pas vu une femme. Absolument. Comme on a dit, attaque apôtre. Mais il n'était pas misogyne. Mais lorsque nous essayons de lire les Écritures, nous allons voir qu'il y avait des apôtres. Femme, une apôtre femme. Oui, qui était une femme. Junias et Fabien. Attendez, j'arrive. Okay, il y a deux personnes. Oui. Donc, même Priscille, l'apôtre Paul dit, ce sont mes compagnons. Oui, être compagnon, mais pas dire qu'il est apôtre. J'en arrive. Elle dit, ce sont mes compagnons dans l'œuvre. Vivre, oui, absolument. Donc, quand il faisait référence de mes compagnons, il disait en d'autres mots, mes collaborateurs dans l'œuvre. Oui. Et vous devez comprendre que l'aspect, le mot collaboration dans le sens de la Bible, je suis en train de parler. Oui. Là, ne faites pas juste référence à des personnes qui aident à travailler, puisque ce même couple a aidé le jeune Apollos à être réellement établi dans l'œuvre. Donc, chaque fois qu'il parle pratiquement de l'œuvre, il parle de l'œuvre apostolique dans sa globalité. Oui. Maintenant, il faut que nous allons voir tout à l'heure que chaque fois qu'on parle de l'œuvre apostolique, il ne s'agit pas seulement du fait d'être de l'appel apostolique. Maintenant, je pose parce la question, que dans l'apostolat, il y a beaucoup de dons qui entrent dans la phase. Oui, oui, mais nous restons sur le thème apôtre. Parce que l'aspect, le seul fait d'appeler un apôtre Timothée. Parce que dans l'apostolique, il y a beaucoup de choses. Oui, je veux dire que Timothée, par exemple, a accompagné Timothée, Sylvain, on a accompagné J'étais en train d'aller quelque part. Oui. Donc, parmi les apôtres, c'est un aspect culturel. Oui. Jésus ne pouvait pas prendre parmi ces 12 des femmes. Qu'est-ce qui l'empêchait? Qu'est-ce qui l'empêchait Jésus? Est-ce que Jésus respectait la coutume? S'il vous plaît. Jésus pouvait même aussi commencer le ministère. Il pouvait commencer le ministère même à 15 ans, même à 20 ans, évangéliste. Oui. Pourquoi il a attendu 30 ans? Parce qu'en Israël, 30 ans, c'était le moment de la responsabilité. Quelque part. À 30 ans en Israël, c'était la période où on te reconnaissait comme personne responsable. Jean-Baptiste n'a pas commencé à 30 ans. De la maturité. Ça veut dire quelque part, si on doit s'en tenir à ce que le pasteur dit, Jésus quelque part fonctionnait aussi avec la loi. Il y a beaucoup de choses, je peux le prouver ça, beaucoup de choses. 243-07. Il n'est pas venu briser la loi, il est venu accomplir la loi. 243-07-56-32, 243-07-56-32, le 699-49-37-90, 699-49-37-90. Je veux bien qu'on reste dans le débat, mais est-ce que, de manière pratique, on peut citer des exemples des femmes qui se sont distinguées dans la parole de Dieu, qui ont rendu ministère, qui ont prophétisé, qui ont enseigné la parole? Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? Si oui ou non, voilà. Et expliquez-nous. Nous touchons là le vrai problème. Je vais nous laisser la parole citer. Mais je vais vous faire remarquer que vous avez remarqué que chaque fois qu'on a cité l'écriture qui était claire, il a fallu qu'il rentre dans le grec pour essayer de définir. Pour dire que non, ici, l'aléo, parler veut dire l'aléo en grec. Quand là-bas, enseigner ceci. Pourtant, enseigner le même enseignement, le même mot va figurer partout. On parle des hommes. Mais on va y revenir là. On ne va pas flageller le pasteur parce qu'il a étudié, en fait, en utilisant ces choses-ci, regardez bien. Vous le faites souvent, Non. Regardez bien. Lorsque la Bible est claire, il faut être clair. C'est un commandement. Lorsque un commandement, c'est un commandement. On ne peut pas faire une fuite en avant chaque fois. Lorsque la chose est claire, lorsqu'on écrit parler ici, et on utilise, on donne la définition pour étudier, parler ici dans ce contexte, il veut dire, il n'a pas contextualisé le parler, il a dit que la femme se taise. Ouais. Donc, se taise, ça veut dire qu'on ferme la soupape. Alors, ici, il a dit que quand il vient par exemple d'enseigner, il dit ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ouais. Donc, ce n'est pas le cas d'établir une autre doctrine quelque part. Mm. Il s'agit d'enseigner. Ah, et puis, il dit que ce n'est pas un problème de culture, comme vous le supposez chaque fois. Il dit l'homme n'a pas été, la femme n'a pas été créée en premier lieu. Il ne parle pas aux juifs, ce n'est pas seulement les femmes juives qui ont été créées. Il parle depuis le commencement. Qui a parlé au sujet de la femme? Bon, ok. Alors, on peut entrer dans les exemples. La chose maintenant, c'est ceci. Lorsque eux également, aujourd'hui, disent et supposent donc que les femmes peuvent être apôtres, il a dit tout à l'heure qu'il a les noms. C'est à lui donc maintenant, je lui passe la main pour qu'il nous donne les exemples des femmes pasteurs, femmes évangélistes, femmes apôtres dans la Bible. Oui, pasteur. Je crois que s'il faut que nous commençons. Oui. Nous savons que dans la Bible parle de dons ministériels. Amen. C'est-à-dire que dans apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Oui. Il y a plusieurs femmes dans l'Ancien Testament qui ont occupé la place de prophétesse. Non, dans l'entrée, on a circonscrit cela dans l'église. Donc on reste dans l'église pour ne pas s'éloigner. Je comprends, mais je veux dire que la parole de Dieu, elle est unique. Déborah, elle est touchée. Vous avez une prophétesse. Oui. Myriam, oui. Était prophétesse. Oui. La femme d'Esaïe, oui. Prophétesse. Oui. Donc quand nous venons dans Anne, dans le Nouveau Testament. Non, le Nouveau Testament, ça ne touche pas. Nous sommes encore dans le Nouveau Testament, pasteur. Nous, Anne, c'est tout dans Luc, c'est pas encore le Nouveau Testament là. Comment c'est pas le Nouveau Testament, frère? Transition, je comprends. Voilà. Pourquoi ils connaissent les petites choses? Ça, c'est par rapport à la maturité, mais il y a des personnes qui nous écoutent. Voilà. Je parle de Anne dans le Nouveau Testament. Il faut faire. Non, il faut dire la vérité. Ne parlons pas de maturité. Disons la vérité. Disons que Anne, on n'est pas encore dans le Nouveau Testament. Parce que frère, du Nouveau Testament, mais le donner du solide dans Actes des Apôtres. C'est ce qu'il a dit. Je suis d'accord, mais je dis qu'on ne peut pas donner du solide. Les auditeurs qui nous écoutent, mais on ne peut pas distinguer qui a la mesure d'accord. Allons-y, nous voulons établir une doctrine. Il y a des lois pour ressortir une doctrine dans la Bible. Amen. Il y a trois lois pour toutes personnes qui savent comment est-ce qu'on interprète le passage dans la Bible. Oui. Ils savent qu'il y a trois lois pour ressortir un passage dans la Bible. Oui. Tout ce que le Père dit, le Fils dit et le Saint-Esprit dit, ça s'adressait personnellement à une personne selon la période et selon le temps. La dispensation. La dispensation est une doctrine biblique. Oui. Deuxième chose, tout ce que une à deux personnes dans la Bible ont eu à dire, oui. C'est une doctrine biblique. Oui. Donc lorsqu'on trouve un passage de la Bible, oui. On ne peut pas sortir dans un passage une doctrine parce que la doctrine biblique est toujours confirmée par deux ou par trois personnes. Pasteur, sur cette base-là, je peux vous donner des panoplies dans votre Bible où c'est une seule personne qui a parlé et qu'on enseigne dans l'église. Alors, c'est une doctrine biblique. Absolument. Quel passage? L'apôtre Pierre n'a jamais parlé de parler en langue. Qu'est-ce que vous en dites? L'apôtre Pierre n'a jamais parlé du don de prophétie. Qu'est-ce que vous en dites? Jésus a parlé de parler en langue. Jésus a parlé de parler en langue. Paul a parlé de parler en langue. Ça fait deux. Donc vous confirmez que Jésus a parlé de parler en langue. Je vous dis donc maintenant que Jésus n'a jamais choisi une femme disciple pour être apôtre. Non. Tu parles d'abord des langues. J'arrive. Vous dites que les gens sont en train de nous suivre. Il faut qu'ils sortent avec quelque chose. Oui, moi je dis. Comment faire pour sortir une doctrine de la Bible? Parce que maintenant. Ce soir, je dis quelque chose. Ce n'est pas une guerre de pions à savoir ce que les gens pensent. Je vous laisse vraiment dire. Il faut que quelqu'un qui ce soit, et moi je vais dire à toute personne qui nous écoute. Oui. Pour pour sortir une doctrine dans la Bible, oui, une vérité doit être confirmée par deux ou par trois personnes. Pasteur, montrez-moi quelque chose dans la Bible. Oui. Quelle est une doctrine dans la Bible qui, oui, n'a pas été confirmée par deux ou trois personnes. Acte chapitre 20, verset 35 dit, vous savez, je vous ai montré de toute façon que en travaillant de cette façon, c'est comme ça qu'on fait pour nourrir les gens. Acte chapitre 20, verset 35. Et l'apôtre cite que le Seigneur qui a dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui. Ce n'est que lui qui a dit ça. Il n'est nulle part où Jésus a dit ça. Non, donc, il a sorti le principe de donner. Jésus a parlé vous de avez, donner. Vous avez dit, Jésus a parlé de donner. Jésus n'a jamais dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ah, tu veux dire que Jésus répète la même chose. Le principe, quand il lit la Bible, oui, est-ce que c'est la répétition, c'est les paroles ou c'est le principe? Voilà, permettez-moi donc de jouer quelque chose. Il nous reste 5 minutes. Oui, attendez, donc, tout ce qui m'écoute, pour la sécurité spirituelle, je reviens encore là, il faut qu'une vérité doit être confirmée par deux ou par trois personnes. Oui, ok. C'est pourquoi il est important que lorsque nous abordons sur le fait de est-ce que la femme doit prêcher, oui, est-ce que la femme ne doit pas prêcher, oui, Jésus n'a jamais prêché les femmes de ne pas prêcher. Oui. Jésus n'a jamais dit que les femmes ne doivent pas avoir le ministère. Oui. Nous allons nous débattre sur des épîtres qui sont parfois des lettres et parfois en passant. Et c'est vrai, ce sont pas les enseignements. Donc, lorsqu'on arrive même dans la Bible, oui, il y a quatre choses qu'on doit comprendre dans la Bible. Oui. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas la doctrine biblique. Oui. Il y a des opinions bibliques. Oui. Il y a des faits bibliques. Oui. Il y a des coutumes et des rituels. Pasteur, nous mais il y a aussi la doctrine biblique. Oui. Donc, en lisant les Écritures, je veux comprendre ce passage. Est-ce que c'est une opinion? C'est la vie? Pasteur. Est-ce que c'est un fait? Pasteur. Est-ce que c'est une coutume? Est-ce que c'est une doctrine? Pasteur. Quand ça arrive dans le domaine de la doctrine biblique, Pasteur, ça doit être confié par deux ou trois personnes. Merci, Pasteur. Ton chef. Vous me dites, vous me dites ici, ou est-ce que en dehors de l'apôtre Paul, qui parle de l'établissement des diacres, qui? Non, oui, ça sont les règles de la théologie. C'est-à-dire que ce ne sont pas les règles. Non, j'arrive. La Bible dit, sa Bible dit que dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, sa Bible écriture. Comment sa Bible? La Bible. Ce qu'il a dit, c'est ce sont les principes qu'ils ont étudiés et établis. Oui. Pour que ça soit ainsi, il faut ainsi. Et là, dans ce cas, regardez bien, il consacre. Non, je peux te montrer ça dans la Bible. Non, je sais que tu peux. Ce sont pas mes. Même les hérésies sont là dedans. Non, ce sont pas mes. Je ne commence encore ce que veut dire. La Bible déclare dans 2 Timothée 3 que toute écriture est inspirée théonosis, c'est expiré sous le souffle de Dieu. Inspiré. Non, pas inspiré, c'est écrit expiré. Il sait de quoi il parle. C'est théonosis, c'est le souffle de Dieu. Ah oui, vous l'utilisez maintenant aussi. Je ne dis pas le grec. Je te dis, toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit utile pour corriger. Oui. Pour enseigner. Oui. La Bible dit que toute écriture est censée enseigner. Il n'a pas dit qu'il y a une spécificité de l'écriture qu'il faut admettre comme doctrine. Et la Paul dit dans 1 Timothée, au chapitre 6, verset 3, que si quelqu'un enseigne autre doctrine et ne s'attaque pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il est enflé d'orgueil. On va voir tout cela dans l'autre développement, que Jésus-Christ, effectivement, a prescrit à l'église que la femme se taise. On va voir cela. Ok, non, je crois qu'il nous reste. Je vais vous laisser la pensée en disant. Oui. Les premières personnes qui sont allées dans le tombeau, c'était les femmes. Oui. Et les premières personnes qui ont reçu la recommandation d'aller dire au frère qu'il est ressuscité. Ça l'a avec l'église. C'est Jésus ressuscité. C'est les anges qui ont appelé Jésus. Je ne sais pas pourquoi Jésus est là-bas. Non, il dit que c'est Jésus. C'est les seuls initiés. Je ne sais pas si Jésus est plus que mon frère. Ce n'est pas la première fois que Jésus est là. Non, très pertinent. Jésus demande à une femme d'aller pour la première fois annoncer la bonne nouvelle. Nouvelle là-bas, c'est pas la bonne nouvelle là-bas. Ok, je sais le dire, c'est la première fois. On arrive. Pas la bonne nouvelle. Merci infiniment, d'avoir réchauffé mon plateau ce soir. Oui. On va poursuivre avec cette émission parce que le temps, il est pratiquement terminé. Jusqu'à épuiser cela. Donc, on va reprogrammer cette émission pour la suite parce qu'on a quand même écouté beaucoup de bonnes choses. Oui. On va en faire une certaine synthèse, ce qu'on s'est dit déjà. Et la semaine prochaine, vendredi prochain, on va poursuivre absolument ce débat et on va tirer les conclusions qu'on devra tirer absolument à la lumière des Saintes Écritures. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous vendredi prochain. Bonsoir, mon cher frère pasteur. Merci pour la salutation fraternelle. Bonsoir. Ça prouve qu'on peut élever la voix. Que le Seigneur te bénisse, mon cher frère. Merci infiniment, frère. Merci également à Raoul Patrick. Qui s'est aussi échauffé du côté de la vie. Pourquoi? On va y aller vendredi prochain.